fais des compositions originales en français, braque tous les projecteurs sur ton projet musical en participant à la 25e édition des Francouvertes. Pour cette année anniversaire, le concours vitrine de toutes les musiques t'offre plus de visibilité que jamais, en plus de courir la chance de gagner de nombreux prix. Tu as jusqu'au 5 novembre pour briller de mille feux en visitant lefrancouverte.com pour connaître tous les détails et t'inscrire. Les Francouvertes, une présentation de SiriusXM. Passionné de l'info? Choc.ca souhaite agrandir son équipe de journalistes numériques. Sujets éclatés, reportages ponctuels écrits et audio et ouverts à tous les niveaux. Tu veux en savoir plus? Écris-nous ou suis-nous sur la page Facebook de Choc.ca. Le Festival international Nuit d'Afrique présenté par TD vous donne rendez-vous du 27 septembre au 31 octobre. Pour cette 34e édition spéciale, découvrez gratuitement 8 concerts en ligne. Des concerts diffusés en live sur notre page Facebook. Les jeudis 8, 15, 22 et 29 octobre dès 20h. Restez connectés. Chaque semaine, on vous dévoilera la programmation en ligne. Plus d'infos sur festivalnuitdafrique.com. Je soutiens la réussite des jeunes. J'assure la sécurité alimentaire. Je facilite l'accès à un logement convenable. Je brise l'isolement social. Je bâtis des milieux de vie rassembleurs. J'aide une personne sur sept dans le Grand Montréal. Je donne à la campagne Centraide UQAM. Centraide.uqam.ca. Vous écoutez une émission de Choc.ca. Allô, allô, allô! Bonjour et bienvenue à Deux Fifs le matin, votre podcast à coquins et la seule et unique radio poubelle homosexuelle de gauche. Allô! Mon nom est Jess PVM, ordure rose, poubelle homosexuelle, déchets, vidange, compost, recyclage. Ooh. Tout ça. Tout ça. Mais gay, mais queer, mais ouais, queer. Ouais, ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais. OK. Ben, parlant de. Qui? Parlant de Dumpster Fire, moi, c'est Charlie Morin. Puis, au moment d'enregistrer, on vient de nous annoncer le prolongement de la zone rouge et l'effondrement de tous nos rêves. Puis, il n'y en aura probablement pas de Noël cette année, mais vous savez quoi? La seule affaire qui pouvait sauver Noël est arrivée. Dolly Parton a drop un album de Noël. Puis, ça, c'est la seule chose qui me fait plaisir dans ce bon monde. Oui. Laissez-la-moi, esti. Laissez-la-moi! Oui. Country Christmas ahead. Ah ouais. Puis, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. On est avec qui aujourd'hui? On est avec Nicolas Barrière. Allô, allô, allô. Concepteur de jeux vidéo qui travaille dans un bureau inconnu et dont on ne connaît pas l'emplacement. Oh! Et oh, on est... Qui c'est? Mystère. C'est même... tout un jeu. Ils sont même pas sur Google Maps, est-ce-t-il? Même si on savait c'était où, on pourrait pas les chercher. Non. Vous le saurez pas de quoi il a l'air le prochain démineur. Vous le saurez pas. Démineur, my God! Et on est aussi avec Jess Marcotte, créateur de jeux vidéo queer et non-binaire, en train de terminer. Tu termines ton doctorat en design, toi. Ouais, ouais, présentement. PhD, rien de moins. Rien de moins. Avant d'aller plus loin, là, tout le monde va mal. Ça va mal. Oui. La vie est un enfer. Certainement. Certainement mal. Quand on pense qu'on est au bout du bout, finalement, il y a tout le temps un autre bout plus loin qu'on savait pas que ça pouvait aller là, mais que finalement c'est allé, puis qu'on pensait que c'était le bout, mais que finalement ça peut aller encore plus loin. Ouais. En fait, je trouve ça va tellement mal que, tu sais, l'année dernière, qu'on avait peur que l'Halloween soit annulé, ben c'est arrivé. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Alors que l'an passé, c'est juste reporté. Genre, c'est correct, là. Mais moi, je serais dans de la faire le 1er novembre, là, s'il faut, là. Pas de trouble, là. Pas de finalement, trouble. Que l'Halloween soit un samedi, puis. Une pleine lune! Un samedi, une pleine. Non, non, non, non, mais attends, on avait une année incroyable en 2020, là. Tout tombait sur des dates qui avaient de l'allure. Anyways, genre. Ouais, ouais, ouais. Ouais. C'est ça, on parlait de 2020 comme si ça aurait pu être le fun. De toute façon, autant au moment où les gens nous écoutent, l'Halloween est déjà passé, tout le monde est déjà en deuil, fait que... C'est vrai, ça! C'est ouais, vrai. Ouais, ouais, ouais, ouais. On voulait pas... Le deuil, c'est une émission, c'est une émotion parfaite pour l'Halloween, honnêtement. Tu sais, la mort, le it's great... Mais là, on va pas retourner le faire dans plein, là. Ils ont fait leur deuil, là, c'est correct. Moving on. Aujourd'hui! Who let the geeks out? On parle de geekness et de queerness. On commence bien sûr par parler de la niche spécifique des geeks. Qui sont-ils et qui sont-elles? Qui sont souvent aussi des moons. Ah oui. Et de la tension que ça génère d'être une minorité dans une sous-culture. On discute de représentation en général et de queerness en particulier dans le monde du jeu vidéo. Et bien sûr, on va finir par prêcher pour notre propre paroisse en vous révélant à quel point Montréal est un excellent réseau de développeurs queer qui est en train de poppin'. Poppin'! Fait que on s'en va délivrer la princesse Zelda à condition qu'elle ait une cafetière où qu'elle soit, puis on vous revient over caféiné. Sacrament qu'elle était bien installée, Zelda, isolée, distanciée, puis envoyée donc, jamais manqué de caféine. Puis d'ailleurs, Zelda fait dire qu'elle n'a pas besoin de nous autres pour se sauver. Elle va se sauver toute seule. Bon. Believe dans tes women. Dents, Ganondorf. Believe women. On entend le terme geek à toutes les sauces. On peut même être geek de plantes, de musique ou de géographie, mais à la base, le terme, ça désigne quoi? C'est quoi, mettons, les geeks plains ou nature, là? Nicolas, on commence avec toi. C'est drôle, je voulais dire que les geeks nature plains, genre le monde qui aime la randonnée en montagne, beaucoup trop. Mais tu sais, mais non. Je veux dire, les geeks nature plains, c'est vraiment difficile à décrire parce que les geeks ont gagné. Genre comme... Ah, oui. Ah, la revanche des nerds est arrivée, là. Là, c'est non, maintenant... Non, comme... Ils ont le pouvoir pour les jobs payantes, là. Je veux dire, c'est quoi qui fait le plus d'argent en ce moment? C'est genre comme Game of Thrones. Toutes les hosties de films Marvel, juste, c'est oui. Tellement omniprésent. Comme, il n'y a plus de honte à aimer quelque chose trop, parce que de toute façon, tout est mis en dynamique pour te le donner, ce que t'aimes constamment. Genre, ouais, tu peux vivre d'eau et d'air fraîche et genre... de ce que tu préfères le plus. Que ce soit genre du fantasy football ou comme n'importe quoi que t'aimes, ben ça peut être juste ton hobby à temps plein. Fait que dans le fond, c'était ça ma take. Ouais, c'est ça. C'est quoi ta take, Jess? C'était quoi? Ben c'était ça, c'est que dans mon temps, moi, être geek, c'était être nerd. C'était si t'avais des connaissances en jeux vidéo et en informatique, là, t'étais un rejet. T'étais pas une bonne personne. Puis à cette heure, tout le monde game. Tout le monde a un geek de quelque chose. Ben, je pense que si tu comprends ça comme un intérêt spécifique, tu sais, pour quelque chose, oui, tout le monde est geek de certaines affaires. Je peux même être geek de certains trucs, même si, quand mon Wi-Fi chie, à part redémarrer mon routeur, je sais pas quoi faire, là, tu sais. Oui, oui. Pour toi, Jess, geek? Je dirais que c'est pas mal tout ce que vous avez dit, mais c'est aussi comme c'est un intérêt qui va au-delà de quelque chose plus décontracté. C'est comme quelque chose comme... C'est pas casual, c'est passionné, c'est vraiment quelque chose que les gens se foncent dedans ou qui se lancent dedans. Aujourd'hui, je pense qu'on fait une différence entre geek et gamer. Nicolas, je sais pas ce que t'en penses. Ben, je veux dire, ça, encore là, c'est comme gamer, c'est une sous-désignation de geek. Parce que, tu sais, c'est même super drôle, tu sais, il y a du monde qui game de plein de manières différentes. Il y a du monde qui, c'est le jeu de cartes, c'est les oui. Le gambling. On salue René Angélil. Tu sais, il y a du monde qui joue juste à des jeux de table, qui font des LARP, tu sais, puis même mettre tout dans ces espaces-là, tu sais, comme dans n'importe quelle sphère sociale, on a aussi des moons qui font partie de ces groupes, tu sais, ces groupes dominants, ces groupes en minorité. Donc ces dynamiques-là, peu importe comme où est-ce que tu serais, on reproduit toujours comme des dynamiques similaires, mais comme à plus petite échelle, puis avec des codes, puis des signifiers comme plus ou moins différents. Tu sais, je veux dire, il y a des choses qui vont être permises, des choses qui sont pas permises. Context is king. Oui, oui, oui. Context parce is que... queen. Or queen. Ooh! Or queen! Oh, yes. Oui, parce que là, pour les gens qui nous écoutent, là, il y a un moment historique qui est en train de se passer. On est deux Jess en même temps sur le même show, puis les deux, on est non-binaires. Ouh! Pour vrai, yes. Moi, je pense qu'on devrait faire comme à Drag Race avec Tara Sanchez, puis on devrait appeler Jess the other Jess. Oh non! On est tous égaux égales. Mais oui! Mais oui! C'est juste voilà. Pour être pas fin, là. Oui, ben c'est ça. C'est ça, on te reconnaît. Fait... Donc, dans la culture geek, il y a comme une sous-culture gamer, et dans la sous-culture gamer, il y a une culture gamer écrit G-A-Y-M-E-R. Hein, Cause we love a pun! Cause we're gay! Pourquoi est-ce qu'on a tant besoin d'avoir une sous-culture dans la sous-culture dans la sous-culture? Jer, je commence avec toi. Je pense qu'il faut commencer un peu avec le mot gamer en tant que tel. C'est un mot qui a comme beaucoup d'histoire, beaucoup de. C'est un peu loadé dans le sens que comme les teams de marketing. I like a good load. Ils ont vraiment comme poussé cette idée qu'il y a une identité de gamer. Mais le problème, c'est que comme, tu sais, si t'aimes les films, on t'appelle pas comme un movie-er ou un movie-goer ou quoi que ce soit. C'est vrai. Mais l'identité gamer est comme vraiment protégée. Alors, comme, si je peux me permettre, Are the Sis in the Streets okay? Parce que ce qu'il y en a pour les gamers en général, c'est comme, pour la plupart, c'est des groupes d'hommes, surtout blancs, surtout cis, surtout hétéros, qui j'aurais jamais pensé. Who would have thought? Sont très vocales, et sont très portés à comme vouloir défendre le titre de gamer. Ouais. Alors, ça ruine un peu l'affaire pour les autres. Alors, c'est ça, il y a beaucoup de toxicité là-dedans. Alors, faut se faire nos propres choses. C'est ça qu'ils nous disent de faire. Alors, on est allé les faire. Puis pour bouncer un peu là-dessus, tu sais, moi, je trouve qu'il y a aussi une dynamique où, le discours geek qui a une place dans le mainstream est beaucoup comme accaparé par des dudes straight, cis, blancs. Puis il y a beaucoup un discours super victimaire, puis surtout à cause des enjeux de masculinité, je pense, parce que tu sais, le fait de gamer, c'est pas considéré quelque chose de viril comme du sport ou whatever. Fait que je pense qu'il y a comme un espèce de complexe de masculinité qui fait que j'assume qu'à l'interne, ils vont varger ces autres juste parce que, ben, au final, c'est des gosses blancs straight, qu'est-ce qu'ils vont faire à part chier sur les autres pour genre se faire valoir, tu sais. Mais je pense que comme Jess disait avant, comme tu sais, d'antan, il y avait peut-être quelque chose où les gens se sentaient comme ciblés parce qu'il y avait un intérêt spécial, puis tu sais, les autres leur trouvaient geek ou quelque chose. Alors c'est ça, c'est un complexe de victime aussi un peu, malheureusement. Toi, Nicolas, est-ce que tu ressens ce besoin-là d'avoir une communauté gamer, G-A-Y-M-E-R? C'est tellement drôle parce que je vais te le dire, comme j'ai tellement misé à cause que j'étais enfant unique plus jeune, à comme tout mettre mes efforts dans ma carrière parce que bien sûr, il fallait être un overachieving gay, que comme toute ma vie d'adulte, j'ai vraiment comme, tu sais, j'étais entouré de queers, c'est notamment à travers ces années-là que j'ai rencontré Jess, mais tu sais, j'avais pas beaucoup d'amitié masculine, comme dans les deux dernières années, j'ai invité un groupe de Donjons et Dragons comme complètement, comme j'allais dire homophobique, homosexuel. Puis, beau lapsus. Puis, honnêtement, ça a vraiment changé ma vie, comme en 2 ans, comme juste être entouré de gens qui m'aiment pour ce que je suis, comme sans comme prétention, dans un environnement comme homo-euphorique, disons. Ouais. Ça a vraiment comme complètement changé ma vie, juste comme en 2 ans, comme c'est juste comme topsy-turvy. Je veux dire, comme c'est un ami qui m'a, c'est un de ces amis-là qui m'a introduit à Deux Fèves le matin, puis c'est à cause de là que je suis allé à votre faux show, le feu show live qui ne verra jamais le jour. Hey, wow, l'oiseau de malheur, là, on va le refaire un jour. Ben, pour vrai, moi, il y a deux termes que tu viens de coin, que j'aime vraiment beaucoup. Gay overachiever. Fait que là, sentez-vous pas mal à la maison. Les gays underachiever, comme moi, nous existons. Rassemblons-nous. Ce n'est pas grave. Sinon, homo euphorique, bitch, love that. Ben, il y a un full text pour genre, the art of queer failure. Genre, c'est un art. Faut apprendre à le maîtriser. Mais non, c'est juste, ça l'a tellement amené de bien pour moi être entouré de gens qui me ressemblent, qui m'affirment, et puis avec qui je peux partager. Puis tu sais, maintenant, non seulement j'ai un groupe de Donjons et Dragons comme super gay, où ce que tout le monde vous est devez gay. Tellement avoir des personnages genre fucking fierce, là, de genre d'être des filles, puis des espèces de comme... On a un wizard qui est genre dans un truffle plus un. Ouais. Honestly, ew. Ouais. Ah non, mais c'est la meilleure manière de gérer le polyamour. Tu roules les dés puis tu sais ce qui se passe après. On a une barde qui est beaucoup trop lesbienne. Puis on a aussi juste comme un petit half dwarf, half orc très poli qui est très straight. Parce que des fois, tu sais, t'as besoin d'un peu de fantaisie dans ta vie. En effet. Puis moi, j'ai un dragon ace pour changer. Je joue en tant que joueur et en tant que game master, et il y a une règle dans une de mes jeux que, premièrement, comme il y a des toutes plein de personnes non binaires, c'est sûr, et chaque fois que quelqu'un leur donne le mauvais pronom, je dis qu'il y a comme un bébé, a baby qui naît dans le royaume à quelque part. Si c'est moi qui le fais, c'est 2 babies. My God, hein? Vous allez avoir. J'espère que vous n'aurez pas un problème de surpopulation parce que c'est pas bon signe sinon. Fait que là, vite de même, un petit tour de table. Oh. Quelles seraient vos icônes queer du monde du jeu vidéo, là, des personnages de jeux vidéo? Là? Je dirais que Femmeshep, la version femme du protagoniste de Mass Effect, est iconique. Ah. Okay. OK. C'est sûr, comme son animation pour marcher, au lieu de lui en faire son propre dans le premier jeu, ils ont juste pris celle de Homeshep, comme on l'appelle. Alors, c'est comme, juste la manière qu'elle marche, tu sais, c'est pas comme les autres femmes dans les jeux vidéo. Elle est vraiment, vraiment cool. Ah, une expression de genre qui diffère. Ça, on voit pas ça souvent dans les jeux vidéo. Mais en tout cas, pas les jeux mainstream. Toi, Charlie, t'as-tu des petites icônes? Ben, OK, moi, c'est sûr que je suis pas un gros gamer dans la vie, là. J'ai joué à Pokémon puis à Mario, là. Mais, still, moi, le mème de Daisy qui dit juste « You won that hole! Live for that shit! Live for that shit! » sinon, mais je veux dire, Kirby, title of app, genre meme queen as well. Puis, Sailor Moon, ça compte-tu? Oui. Ça compte. Ça compte. Parce que le jeu de mots est écœurant. Sailor Moon, calice. Il y a un jeu de Sailor Moon. Non, il y a des jeux vidéo de Sailor Moon, mais tu sais, non seulement on pourrait faire juste un podcast sur Sailor Moon, parce que je dis juste le fait que comme Sailor Moon qui a révolutionné le monde entier, juste avec comme « Hey, on est des gangs de filles, on s'affirme entre eux, entre nous, on est cute, on est fierce, on détruit le mal, mon boyfriend est complètement inefficace. » Fait que toi, Nicolas, ta queer icon du jeu vidéo, c'est clairement Sailor Moon, là, t'en parles avec passion. Non, c'est juste parce que I love manga. Non, en fait, flashback, quand j'étais petit, j'aime ça, c'est même pas beaucoup d'intérêt pour toi. Ça, c'est juste comme, ah, c'est un 5 pour moi, un 5 sur 10. That's a geek. That's a geek. Ah, ouais. Oh, non, mais c'est vrai. Mais non, j'ai comme une frustration, comme très petit, que comme plus jeune, j'étais comme, non, Dragon Ball, c'est cool, mais genre Sailor Moon a détruit l'univers à la fin du livre. Non, mais pour de vrai, il y a des personnages canon. Lesbienne et aussi non-binaire dans Sailor Moon, alors yes. I gotta stand. Moi, mes icônes, le Tetris I qui sert à se faufiler pour faire détruire la stack de 4. Moi, c'est le L dans Tetris. Le L. Toi, t'es croquet. Oui. Oh mon dieu, Charlie. Moi, j'ai compris. Genre une minute en retard, là. Puis Jess qui affirme qu'il préfère Crooked, c'est bon. Mais c'est plus facile à sucer. Tout le monde a des images. Si tu vires toi à l'envers, c'est drôle. Je dois dire, c'est super drôle parce que comme, tu sais, je suis en 87, ça veut dire que très, puis je jouais sur console, donc tout le truc comme vraiment mature, c'est arrivé comme plus tard dans ma vie. Donc tu sais, comme quand je regarde, c'est comme qui est vraiment formatif. Moi, je pense comme beaucoup comme à comme des choses qui présentaient des esthétiques ou des mécaniques de jeu. Puis là, on parle de genre des actions que tu peux faire ou comme le contexte que tes actions dans le jeu peuvent arriver à te faire. Uh-huh. Tu sais, je pensais à, tu sais, Kirby, parce que, tu sais, il y a quelque chose comme à s'approprier la force. Puis, tu sais, aussi, tu sais, Yaval. Ah oui! À Laval. Listen, Yaval, c'est un moyen temps, là. King mais tu sais, je pense à, tu sais, comme, quand j'étais petit, je regardais comme Kirby 64, tu sais, c'est délicat, c'est rose, c'est pas difficile, il y a une esthétique qui est... Pour les underachievers. Il y a ça, mais tu sais, c'est pas justement, comme, il y a pas cette pression masculine à, comme, excéder, puis à être violent, puis à être en conflit. Tu sais, même chose avec les jeux Yoshi. En général, super adorable, pour tous les âges, inclusif, très fantastique. J'aime vraiment attiré par ces fantaisies-là plus douces, plus jeunes, je pense notamment à des trucs comme Pokémon Snap, qui est genre un jeu. Tu sais, juste prendre des photos de Pokémon, c'est tellement plate, là! C'est tellement fucking plate! Ah non, c'est fun! Bon. Girl! Agree to fucking disagree. Mais non, mais c'est literally juste te promener dans le jeu et prendre des screenshots, là. non, mais justement, c'est parce que comme c'est le fait que la mécanique de jeu, c'est prendre des photos, c'est observer avec attention. Puis le fait que c'est que ça te met pas en conflit avec les éléments dans le jeu. Puis comme pour moi, plus jeune, je trouvais ça créatif, c'était original, puis c'était vraiment quelque chose de super nouveau. Donc, tu sais, on peut carrément parler, genre, de queerer une mécanique que dans n'importe quel jeu, ça aurait été un gun, ta caméra, dans Pokémon Snap. Mm-hmm. Mais ici, à la place de dire, comme, ben, je vais voler un animal dans la nature, puis je vais le forcer à se faire battre, comme, contre un autre rat électrique, ben, je vais juste, comme, admirer ce que ces créatures sont. Puis, tu sais, en même temps, tu sais, j'en parle, mais tu sais, j'admire cette subversion-là. Donc, tu sais... Moi, c'est juste bien dramatique. Là. Moi, je voulais juste du drama. Là. J'étais comme, where is the drama? Puis sinon, un petit peu plus niche, mais Oulala dans Space Channel 5, du monde... Hey boy. Dans le fond, elle se promène, puis elle danse. Dans le fond, pour Space Channel 5, l'idée, c'est que tu te promènes, tu recrutes du monde dans des environnements, puis tu fais des dance battles contre des aliens en faisant zap. Fait que Nicolas a 24 icônes queer. J'aime ça. Moi, personnellement, j'irais voir si la machine à café du Pokémon était réparée. Puis, je vous reviendrai au vœu caféiné. Oui, on va aller voir au Pokémon d'un coup qu'on pogne de quoi en y allant. Okay. Ben, girl, du café de Pokémon, ça rentre au poste, bien meilleur que du maudit café de Poké Center, moi. Je dis ça, je dis rien. En tout cas, l'infirmière Joyce, là, je te dis qu'elle n'en met pas beaucoup de cuillères à thé dans la cafetière. Non, non, non, non, non. D'après moi, elle est bouillante sa poche de thé 24 fois, là, parce que... Urk! comme on l'a appris précédemment, grande surprise, le monde du jeu vidéo est dominé par Lego Straight. Mais n'évoluant pas en vase clos, le milieu est quand même influencé par des trends globales tels que des timides gains en termes de représentation. Fait que ça s'actualise comment dans le monde du jeu vidéo, ça? En commençant par Nicolas. C'est un gros disconnect parce que comme c'est vraiment comme une super grosse question. Mais tu sais, comme en effet... on peut faire l'énoncé qu'une grande majorité des développeurs sont en effet blancs, sont hétéros et cis masculins en Amérique et en Europe. Par contre, je dois ajouter une bémol que l'industrie du jeu vidéo, c'est comme global et il y a des développeurs au Moyen-Orient, en Asie, oui, en Afrique, en Amérique latine. Oh my God, il y a un studio chilien qui fait tellement des jeux incroyables, Ace Team, c'est fou. Tu sais, c'est vraiment compliqué parce que comme ça crée une grosse friction parce qu'en même temps, comme à peu près dans la majorité des milieux de divertissement, les gens qui consomment les jeux vidéo, overall, là, c'est pas mal la parité des genres. Tu sais, c'est comme, Oui, mais je veux dire, comme maintenant, on estime qu'environ 2,6 milliards de personnes par année, comme en 2020, qui ont touché un jeu vidéo. Tu peux pas me faire croire que maintenant... avec toutes les manières que de jouer un jeu vidéo, que c'est purement un passe-temps ou un hobby ou un divertissement hétéronormatif, tu sais, je veux dire, c'est ou comme pour les hommes autant que les femmes, c'est pas croyable. Puis maintenant, c'est parce qu'il n'y a jamais eu autant de jeux, comme c'est presque 115 milliards de dollars l'industrie du jeu vidéo. Donc, ça bat le cinéma maintenant, là, comme complètement. Hey, on va laisser faire le podcasting. Donc, c'est vrai, justement, puis c'est vraiment ces attitudes-là qui fait que comme X groupe fait pas Y, tu sais, c'est comme, ça prend, puis des fois, il y a souvent quand c'est prononcé, même si comme au final, maintenant, il y a tellement comme une pluralité d'expériences que tu peux aller chercher dans un jeu vidéo, comme ça n'a jamais été aussi possible d'avoir comme tellement des diversités comme humaines ou non humaines. C'est vraiment ça. Donc oui, il y a des tensions. Ça se peut-tu que tu penses à ton séjour avec mes plantes? Oh du my côté God. Non humain. C'est une anecdote, dites-nous là. Plug-toi, Jess, plug-toi. C'est un jeu de jam, ce qui veut dire quelque chose qui a été fait très rapidement. Mais avec un de mes collaborateurs, on a fait un jeu qui s'appelle « Rustle Your Leaves to Me Softly ». An ASMR plant dating simulator avec des plantes réelles. Et Nicolas était un de nos premiers playtesters. Puis il blushait au bout. Toi, Jess, qui est en ce moment aux études au PhD, je le rappelle, est-ce que dans les universités en développement ou les gens qui apprennent à éventuellement devenir des gens qui vont faire des jeux vidéo, est-ce que tu trouves que c'est plus diversifié? Est-ce que dans les universités, il y a comme un vent de queerness autour de toi? Est-ce que tu as l'impression que le monde change ou c'est encore très... Alors, je dirais que oui. J'ai eu la chance d'enseigner deux cours d'intro de théorie et pratique un peu de jeux vidéo. Et comme je dirais qu'il y a plein de personnes queer dans mes cours. Ils étaient toutes comme vraiment... Ils voulaient faire des projets intéressants, ils voulaient vraiment se jeter là-dedans. de mon côté, mon inquiétude en tant que prof, c'était comme que les studios allaient comme leur comme voler cette passion-là. Comme juste leur utiliser, like, eat them up and spit them out. Genre. Ouais, parce que souvent dans des compagnies comme ça, on prend le talent, on l'exploite jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de jus. Dans des projets souvent que la personne aurait préféré pas faire, parce que souvent quand tu te retrouves dans une. Si tu te retrouves dans un gros studio, des fois, ben c'est bien plate, mais tu vas passer ta vie à juste faire des arbres dans un décor en arrière. Nicolas, t'as l'air d'avoir une. Ben, c'est vraiment plus, super intéressant parce que comme les gros. En fait, comme les gens comme ouvertement, tu sais, sont très positifs à avoir des employés ou la représentation queer dans le milieu. Tu sais, comme comme les gens émettent le besoin d'avoir comme plus d'expérience personnelle dans jeux vidéo, différents types de budgets. Mais tu sais, puis en même temps, ça fait aussi que les studios, comme les différentes tailles à travers le monde, veulent recruter des employés. Tu sais, comme on multiplie maintenant, comme constamment, je vois comme de différentes tailles d'entreprises, comme on veut comme des expériences unusual, ou genre des profils non standards, ou comme on a toujours la petite ligne obligatoire maintenant, comme. You know, people from diverse backgrounds are invited to apply just pour comme spell it out que on veut pas juste des hommes qui sont blancs. Mais le problème, c'est comme le pipeline est probablement comme maintenant un petit peu plus adapté pour comme que les gens puissent rentrer dans ces milieux puis obtenir ces emplois puis démarrer leur carrière. Le problème, c'est que la diversité au niveau du recrutement, c'est pas comme l'inclusion dans la gouvernance. C'est vraiment un gros problème parce que comme l'inclusion, ça s'en fait comme de parler avec eux sur comme c'est quoi les processus de travail, c'est quoi les permissions d'employés, c'est quoi qui est ouvert, comme c'est quoi les comportements acceptables au travail, tu sais, je veux dire, moi, comme ça fait 10 ans que je travaille dans le milieu du jeu vidéo, puis tu sais, il y a plein de choses que je peux me permettre maintenant parce que j'ai 10 ans d'expérience puis je sais que je suis capable de livrer des projets puis régler des problèmes puis travailler facilement avec des gens que comme moi, je peux me permettre maintenant comme porter le legging au travail ou comme... tu sais, comme briser les poignets, ou tu sais, joker comme, ou expliquer c'est quoi la prep à des collègues au travail. Super passe-temps, Moi, je serais comme, I'm gay, j'ai le droit d'arriver une demi-heure en retard, mon café à la main. Oui. C'est un droit légitime. Mais en même temps, je trouve qu'il y a aussi des fois des. Une question de culture. Des fois, je trouve que des trucs que ça cache des politiques de. D'embauche de discrimination positive, c'est que si tu le fais à petite échelle, genre moi c'était ça dans un organisme communautaire où je travaillais, puis il y avait une politique d'embauche antiraciste, puis en dedans de 2 ans, ça a complètement changé le monde qu'il y avait là parce que t'as 20 personnes. C'est juste que fait à super grande échelle, puis probablement je soupçonne moins pour des postes de cadre. Je me demande en fait c'est quoi l'impact, puis si c'est mieux qu'il le fasse que qu'il le fasse pas. Ceci étant dit, je trouve que des fois c'est quand même un aveu de faiblesse venant de quelque chose d'aussi gros où je suis comme, mais vous employez tellement de monde, comment ça se fait que vous êtes là à beg des people of color puis des queer à venir se joindre à votre entreprise, tu sais? C'est ça, une fois que t'es là, si on n'en prend pas soin, c'est sûr que les gens vont partir ou vont se sentir seuls. Ouais. Mais je veux dire, il y a comme multiples histoires, comme, tu peux trouver tous les articles sur le web, comme juste comme, on a comme de femmes qui parlent ou de personnes de genre marginalisé, tu sais, qui parlent de leur expérience dans certaines entreprises. C'est quand il y en a plusieurs par semaine là, comme parce qu'il y a des gens qui ont pas de recours autrement pour comme partager leur vécu. Puis tu sais comme je suis arrivé dans tel milieu, comme la première semaine c'était malade, puis là comme il y a rien qui a changé, puis j'étais tout seul, puis j'étais isolé, puis comme c'était comme ma responsabilité d'être comme employé junior, mais aussi genre changer la politique de la place. C'est malheureusement comme des patterns vraiment difficiles. Puis en fait, comme, ce qui est super plate, c'est comme avoir une gouvernance comme féminine ou queer, ça protège pas de ces défauts-là aussi. Oh que non! C'est vraiment plate, mais tu sais, malheureusement, on a eu comme une histoire une couple d'années d'une entreprise avec un leadership queer qui a abusé, genre, puis qui a sous-payé des jeunes employés marginalisés. Puis tu sais, c'est vraiment plate à dire, mais c'est comme... c'est toujours dans la gouvernance. En fait, le truc que j'ai remarqué le plus dans ma carrière, c'est comme quand il y a des problèmes organisationnels, ça part toujours du top. Puis c'est subtil, là. Oui, c'est la seule théorie du ruissellement qui fonctionne. Moi, je pense que comme les queers ont fail une fois, il faudrait qu'on ressorte le plus souvent possible cet exemple-là pour dire que dans le fond, ça change rien puis qu'il faut garder les gars straight au pouvoir, en fait. Je pense que c'est ça l'agenda derrière ça. Ouais. Mais là, on a beaucoup parlé des politiques internes de compagnie puis de qui font les jeux vidéo, mais qui sont représentés dans les jeux vidéo aussi. Il y a ce truc-là de c'est dans l'air du temps aussi pour une meilleure représentation. Mais est-ce que celle qu'on a en ce moment dans les jeux vidéo, c'est assez? All I'm Jess, getting is laughs. OK. Jess, il fait non de la tête. C'est comme... Tu sais, ça reflète un peu aussi le milieu de travail. Si t'as une personne qui est censée de représenter comme tout le monde marginalisé, c'est sûr que ça fonctionne pas. C'est sûr que c'est comme assez lourd d'avoir comme une version d'une histoire queer comme pour toutes les lettres de LGBTQ. Puis ça, c'est censé de représenter tout le monde. Ça devient comme un boulot vraiment impossible. Tu sais, alors, pour moi, on a juste besoin de beaucoup plus d'histoires, pas comme une version parfaite d'une histoire, mais comme juste d'une très grande variété, autant de variété qu'on a pour les personnages straight. Ce qui est, par contre, pas très diverse non plus. Non, parce que pendant longtemps, dans le jeu vidéo, les femmes étaient hypersexualisées. Bon, il y a des questions à poser sur le terme hypersexualisé, là, mais étaient présentées comme des objets, on va se le dire. Pour qui, par qui, en passant? Oui. C'est-à-dire, comme, je connais beaucoup de femmes trans qui sont aussi développeurs de jeux vidéo, puis comme, tu sais, l'affection vers le genre féminin est comme, encore là, euphorique. Comme, mais c'est parce que c'est sous-représenté. Exact, exact. Justement, ils créent leurs propres médias pour, genre, subvenir à leurs besoins, comme... De divertissement. De représentation, oui, exactement. On va en parler plus tard, là, mais il y a des super développeurs trans comme partout au monde qui font ce travail incroyable de représentation. Mais est-ce qu'il y a de la place dans les entreprises? Parce que, je veux dire, mettons, moi, je suis une personne non-binaire, j'arrive dans... Puis, effectivement, comme personne non-binaire, si j'étais développeur, je serais obsédé par faire des personnages non-binaires puis essayer le plus. Est-ce que vous sentez qu'il y a de la place pour ça? Quand vous startez un projet ou... Je dirais que, premièrement, c'est pas les grandes compagnies qui prennent les risques. Ah ouais, hein. C'est surtout comme la représentation vraiment vient présentement des petits studios et des développeurs individuels qui sont en train de faire le plus pour le queerness. Ça, on s'entend, les grandes compagnies, ils veulent pas prendre de risques. Tu sais, quand c'est lent à changer, c'est sûr que quelqu'un d'autre le fait en premier s'ils le font. Alors, ça, on s'entend. Mais surtout, c'est dans le fond, quand on dit qu'ils prennent pas de risques, c'est des risques, et ça représente un risque financier pour eux autres. C'est comme ça qu'ils le voient. Ouais, probablement. Je dirais que comme Nicolas, peut-être tu peux en parler plus, mais comme que le marketing tue souvent des idées de diversité parce qu'ils pensent pas que ça va vendre. Trop dur à alors que, genre, je veux dire, on l'a dit, là, c'est 2,6 milliards de personnes, là, je veux dire, qui touchent à un jeu vidéo. Là. Vous pouvez pas me dire qu'il n'y a pas une coupe de monde là-dedans. Là. Oui, mais ça dépend encore. Là, le 2,6 milliards, c'est comme ça compte le monde qui sont comme sur PC, sur console, sur leur téléphone, sur les petits jeux de cartes, les tours de même. C'est vraiment très large, dans le sens aussi comme, oui, comme ils devraient le faire, parce que de toute façon, comme... On a besoin, comme toujours, d'ouvrir des nouveaux marchés. Je fais une rhétorique capitaliste en disant ouvert des nouveaux marchés. Mais tu sais, on a toujours besoin comme de pousser. Le travail termine jamais. Mais tu sais, oui, c'est beaucoup à cause du marketing en général que comme des préconceptions qui viennent comme très comme au début en termes de projet que comme cette chose-là, comme on va peut-être pas le réussir. Donc, on va probablement comme pas prendre le risque parce que échouer en public, c'est plus dangereux que comme... Donc, c'est pour ça des fois que tu te retrouves comme avec des personnages queer qui sont comme à moitié complets ou tu sais, comme par exemple... Mais moi, j'ai comme... Ils sont pas smart, en fait, parce que les gens capoteraient de voir des personnages queer comme the forefront, tu sais. Puis là, on parle même pas de narrative queer, là. Juste comme... Puis même juste des esthétiques, ça peut ne même pas être clair, puis on va tout le voir, puis le comprendre, puis capoter. Oui. Comme... Justement, les gens sont en train de capoter quand il y a comme un jeu qui essaie de faire quelque chose de même. Comme Boyfriend Dungeon, je suis même pas sûr combien d'argent qu'ils ont fait sur leur Kickstarter, mais c'était énorme. Je pense que c'était genre 650 000 $ sur une campagne de genre 150 000. Oh non, peut-être 350, mais bref, ils ont genre doublé, triplé leur revenu. Du gros cash. Ouais, non, mais en même temps, si tu fundraise à du monde qui travaille en tech, ils vont pas gratter leur fonds. Kickstarter, c'est pour tout le monde. Kickstarter, oui. Pas mal pour tout le monde. OK. Ou bien comme Hades. Tu sais, tout mon Twitter list est vraiment assoiffé pour tous les personnages de Hades. Présentement, tu sais, ouais, on a soif. Et on a de l'argent. On est thirsty for queerness. Ça ressemblerait à quoi, hein? Un jeu vidéo où on aurait un petit peu plus que juste une vague représentation queer d'un personnage à peu près figurant? Genre, c'est... Est-ce qu'on a des exemples ou des fantasmes d'un jeu vidéo? Est-ce qu'on a des exemples? Queer? Oh, Jess, où tu commences? Je viens juste de mentionner Boyfriend Dungeon. Alors, ouais. Ça, c'est un jeu où on... You date your weapons. Alors, il y a comme tout plein d'épées, et les épées, ils ont aussi comme une transformation humaine. Et c'est comme un dating sim et un dungeon crawler à la fois. C'est comme une version queer de la NRA. Genre. OK. Et aussi, il y a Goodbye Volcano High, qui va sortir avec un personnage non-binaire en tant que protagoniste. Je pense que ça sort en 2021. OK. Ouais. T'as oublié de mentionner que c'est aussi un dinosaure. Ouais, la personne non-binaire est aussi un dinosaure. Why not? Ce qui m'apporte enfin, c'est pas seulement la représentation en telle, mais aussi j'aimerais apporter l'idée qu'on peut aller plus loin et penser à comme une genre de philosophie queer. Qu'est-ce que c'est comme une action qu'on peut faire dans un jeu qui est queer? Ouais. Ou qu'est-ce que c'est comme une philosophie de design qui est queer? Qu'est-ce que ça veut dire comme faire quelque chose en design qui est queer? Alors, au-delà du simple personnage. Ouais, ouais. Alors, comme pour moi, être queer, c'est comme d'un certain façon résister aux normes, être comme un peu contrarien d'un certain façon. Alors, faire du design queer, c'est comme aller plus loin que juste les histoires et les personnages principaux. C'est de penser à comme tous les désirs que les personnes queer ont pour nos corps et les corps des autres. Et toutes les façons de penser qui sont pas en service à la hétéronormativité ou bien la cisnormativité. Nicolas? Oui. Ah, mon Dieu. Mais c'est super intéressant parce que comme Jess a parlé de jeux vidéo qui sortent probablement comme l'année prochaine, mais tu sais, ouais. Moi, j'ai comme, je me suis fait une petite liste, je me suis préparé parce que je suis Virgo. Puis, mais je veux dire. Hey, my Virgo sister! Puis, mais tu sais, il y en a. Pour deux Jess, deux Virgo, I hate this so far. mais tu sais, je veux dire, il y a plein de bons jeux qui sont sortis. Par exemple, il y a Gone Home qui est le jeu où tu explores une maison vide, puis là tu rencontres, c'est sur le trauma familial, puis comme la queerness répressive. C'est pas toujours. Il y a Tacoma qui est comme la même chose, mais dans une. Qui est comme tu explores une station spatiale après comme un accident. Il y a Life is Strange, qui est particulièrement comme une histoire de fantasy sur le voyage dans le temps, puis comme ça remonte l'amour entre deux femmes. Il y a un super bon jeu qui s'appelle Long Story, qui est comme un ce qu'on appelle un visual novel, comme un roman graphique interactif. OK, ouais. Puis, en fait, Long Story, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui peut... J'ai pas joué, mais en tout cas, tu peux explorer différents types de romances. Donc, dans le fond, tu peux avoir une romance hétéro, tu peux avoir une romance homo, tu peux être asexué, tu peux être pan, mais ça met en place comme des jeunes personnes, comme dans la age range de genre comme 12 à 16. Puis ça traite ça genre dans un contexte vraiment, vraiment comme super bien fait. On a Dream Daddy. Charlie, est-ce que tu connais Dream Daddy? J'en connais quelques-uns, mais le jeu vidéo, j'ai vu des pubs, puis j'étais comme, sounds fun, mais I prefer them IRL. Non, non, mais justement, tu sais, probablement, t'as pas toujours un daddy IRL, c'est très important. Ouais. Puis, ça dépend tes girl. Hey, on est en pandémie, là. Mais bref, c'est vraiment... Évidemment, je dis ça pour le show, là. Clairement, j'ai pas tout le temps un daddy hanging around, là. J'ai deux mères lesbiennes, là, Chris. Moi, je pars à moins un dans la vie, là. Non, mais Dream Daddy, c'est gay, là. Je veux dire, c'est un dating sim où est-ce que tu vas dater seulement des papas. Est-ce que c'est drôle? C'est le concept. C'est tellement niaiseux. Mais c'est aussi comme génial. Vraiment, ça existe et c'est sans shame. sans shame, 100% normalisé. On a d'autres jeux queer comme un autre jeu qui s'appelle One Night Hot Springs, qui est l'expérience. C'est un récit autobiographique d'une femme trans japonaise. C'est son expérience sur d'aller dans les hot springs japonaises, comme les sources d'eau chaude naturelle. Oui. Donc ça, c'est comme un récit autobiographique. C'est tellement cute, ces petites affaires-là. Moi, j'en connais pas, puis genre, il y en a pas que je pourrais citer qui existent, mais j'ai quelques pitchs, si vous avez envie de les entendre. Si donc, on n'a pas envie, qu'est-ce qu'on fait? Ben, tu peux me mettre sur mute, c'est pas grave, là. Non, je t'aime pas ça, je t'aime trop. Fait que... J'aurais un jeu qui s'appellerait Feed the Bottoms, où tu es un nouveau top qui débarque en ville et tu dois fournir à la demande des bottoms sur des applications de rencontres. Ah. Ou un jeu qui s'appellerait Gossip Les, où tu serais une jeune femme lesbienne qui rejoint une équipe de ringuettes et tu dois trouver une blonde sans crisser le bordel dans l'équipe, mais tu ne connais pas les dramas et les relations qui te précèdent. Donc, si l'équipe se démantèle et fall apart, t'es game over. Wow. OK, genre, deux choses pour bouncer. Premièrement, ton jeu existe un peu en reverse et ça s'appelle Coming Out on Top. Je me suis déjà fait voler mon idée, je viens de la formuler, puis on me l'a déjà volé. Ça existe déjà, tu vois, le vécu queer, ça existe, mais sauf que l'idée, c'est que c'était un bottom qui chasse des tops. Donc, c'est ça. Puis, le jeu de ringuette, franchement, moi, super bonne idée, parce que t'es capable de faire un récit narratif, mais t'es aussi capable de faire quelque chose qui a un impact ou ça. Qui ressemble à ça. Vraiment génial. D'ici à ce que l'épisode soit sorti, je vais déjà l'avoir copyright. Fait que nice try, ceux qui voulaient me le voler. Charlie, tous tes rêves sont possibles, hein, parce qu'une des raisons qu'il y a tellement de rep queer dans les jeux, c'est parce que c'est plus facile que jamais de faire ton propre jeu. Il y a beaucoup de technologies qui démocratisent un peu l'affaire. Avec alors, tout le temps si que ça me prend pour m'adapter aux nouveaux algorithmes Facebook puis aux nouveaux displays, je pense pas que je crois assez en moi pour me dire que je suis capable de le faire tout seul. Mais moi, je crois en toi. Ah, ça, c'est beau, par contre, ça. Ça n'a jamais été aussi facile de faire un jeu ou un jeu vidéo. Pour les mots dans la maison, l'idée que vous avez besoin de savoir programmer, c'est un mensonge. Parce qu'il y a plein de manières de faire des projets super intéressants sans avoir besoin de programmer. Il y a une tonne de logiciels, comme si vous voulez faire vos propres aventures avec des textes, donc des hyperliens, il y a Twine, il y a GameMaker, il y a Game Boy Studio. Il y a plein d'engins gratuits. Puis aussi, tu sais, vous pouvez apprendre à votre rythme. Puis il y a des communautés sur le web qui vont vous recevoir. C'est génial. C'est vrai ça qu'il y a plein d'engins gratuits, sinon nos vies sexuelles seraient très plates. Alors, sur ce, on s'en va prendre un petit café dans le donjon à Bowser avec Wario puis Waluigi, puis on vous revient. Overcaféiné! De retour à l'émission avec notre meilleure expérience de donjon à vie, ce café était un succule! Ah oui, un succule, vraiment. À Montréal... On a bien des queers, puis il y a bien du monde qui font du jeu vidéo dans notre belle ville. Fait qu'il doit fort probablement avoir des queers qui font des jeux vidéo. Est-ce que vous diriez que Montréal est un poids lourd dans la conception de jeux vidéo queer? Est-ce qu'on est un hotspot? Jess? Je dirais que oui. Déjà que Montréal est un hotspot pour les jeux en tant que tel. C'est aussi une place où il y a beaucoup de... Écoute, nos loyers sont pas aussi chers que Toronto ou Vancouver. Pour l'instant. Alors, il y a beaucoup d'espace pour les artistes. Alors, il y a beaucoup d'espace comme pour c'est ça, la vie alternative, si on peut dire. Oui. Alors, il y a beaucoup de créateurs super cool qui se trouvent à Montréal pour ces raisons-là. Ouais, j'aimerais surtout souligner deux de mes personnes préférées au monde. Ben oui. Dietrich Schwinkerfer, qui a fait une comédie musicale qui s'appelle Dominique Pamplemousse à propos d'un détective non-binaire, fait tout en claymation. Et Squinky est un ami avec qui j'ai le plaisir de travailler souvent, alors je tiens à eux beaucoup. Et présentement, il y a aussi Nikki Case qui vit à Montréal, qui a fait Coming Out Simulator, qui est comme Un super important jeu dans l'histoire des jeux queer. Un coup de masse sur le cœur. Oh. Ouais. Ah, mais c'est vraiment pas une mauvaise idée, Do. Toi, Nicolas, ton expérience? Ben, je veux dire, on est environ 10 000 à Montréal à travailler en jeux vidéo. Wow. Donc, on réduit comme... C'est quoi, c'est 10% en moyenne la population? Comme, c'est quoi le ratio, genre comme... Queers, on a longtemps dit 10%, mais ouais, plus hein. Ça va, plus le pourcentage augmente. Moi, je pense qu'on a pogné le 15. Moi, je dirais qu'on a pogné le 15. 15, 20, ouais. 20. Donc, il y a autant de gauchers que queer. C'est ce que j'essaie de dire. Oui. Puis des fois, t'es les deux, puis t'es méchanceux. Puis... Hey! Ouh, oh my God! Quoi? Es-tu le seul droitier? Non, moi aussi je suis droitier. Ok, droitier. J'étais comme ça, quand même. Sauf pour la masturbation, je suis ambidex, mais sinon je suis droitier. Non, c'est ça. Donc oui, on est beaucoup. Puis honnêtement, c'est ça. Mais tu sais, on n'est pas tous en position pour comme faire du contenu ou faire des décisions comme créatives sur comme des identités qui nous représentent. Mais tu sais, ça bubble up de temps en temps. Je veux dire que soit les plus petits projets que Jess a mentionné plus tôt, mais tu sais, dans les plus gros projets, comme maintenant, tu sais, dans les plus gros projets à Montréal, on a des options comme gay, lesbienne, il y a des personnages non-joueurs, des PNJ, des NPCs en anglais, qui, des fois, vont présenter différentes expériences. Il y a des projets qui sont faits à Montréal, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de gens, j'en connais une tonne, surtout en indépendant, les Moon Triple A, Sound Off, je vous entends, je vous connais pas. Puis c'est vraiment génial. Je peux pas toutes les nommer là, mais on va, la liste, toutes les noms. Tu veux la liste? Leur handle les... Instagram. Attention, c'est une Virgo. Elle a la liste. C'est ça. Moi, j'avais une question très rapidement. Je sais pas si vous le savez. Je sais que quand tu travailles pour une compagnie, que ce soit une compagnie de tech, une compagnie de conception de jeux vidéo, tu signes des accords sur les propriétés intellectuelles, ce genre de choses là. Est-ce que, quand on travaille dans une compagnie de jeux vidéo, est-ce qu'il y a un risque, parce que pour les gens qui ne le savent pas, qui nous écoutent, ces contrats-là stipulent que si, mettons, moi, je crée un jeu vidéo alors que je travaille, mettons, pour Ubisoft, on va dire, techniquement, Ubisoft pourrait dire « Non, c'est à moi, ce jeu vidéo-là ». Est-ce qu'on a des histoires de même d'horreur que les queers se sont fait voler leur concept ou… Malheureusement, je veux dire, heureusement, non. OK, cool. Regarde, parce que premièrement, comme, il y a… Comme, ils veulent pas faire de contenu queer anyways, là. Ben, vraiment, c'est ça. Je pense pas que les gros publishers comme, sont vraiment intéressés à genre faire un truc qui dure une heure qui a été fait par une personne en 3 ans, malheureusement, parce qu'il y a comme plusieurs raisons très arcanes que je pourrais aller dans le détail pourquoi comme, les grosses entreprises font pas des petits projets qui coûtent pas cher. Ça, c'est un gros, gros discours, puis je pourrais passer une heure. Mais non, en fait, ces clauses-là, honnêtement, n'existent presque plus. Je crois comme que, infameusement, je pense que la dernière grosse compagnie qui fait ça encore, c'est Electronic Arts, qui publie les Sims. Yeah, ouais. Donc, Sims, jeu très important pour les queers. Mon Dieu. Donc, en général, ça va. Puis aussi, tu sais, c'est vraiment drôle, mais c'est aussi « don't ask, don't tell ». Ah ouais, okay. Ouais. Parce que tu veux pas te délater toi-même pour dire comme ben j'ai fait quelque chose dans mon temps libre. T'sais, au pire maintenant tu peux sortir quelque chose sous un pseudonyme ou tu sors gratuitement. Tu sais, il y a comme plein de loopholes. Tu sais, comme par exemple à l'époque, je travaillais sur un jeu mobile pendant que je travaillais pour un développeur de jeu mobile, mais mon jeu je voulais pas le monétiser. Donc comme ma compagnie était comme ouais go for it, je veux dire, comme tu vas pas tant que tu le monétises pas, ça nous fait rien, tu fais pas d'argent. Okay. Tu n'utilises pas comme... Mais tu sais, en même temps, c'est... Mais si tu avais eu le malheur de faire une pièce, ça n'aurait pas marché. Mais tu sais, c'est ça. mais tu sais, ça aussi, c'est une autre super grosse question comme de droit du travailleur qu'on a justement comme un chapitre de Game Workers Unite comme très, très, très actif à Montréal. Moins actif depuis la pandémie, avec toute raison. Oui, bien sûr. Mais oui, ça, c'est beaucoup... ici, il y a aussi une lutte travailleuse. C'est assez comme bien organisé à Montréal pour, tu sais, la syndicalisation des travailleurs du secteur de jeux vidéo pour avoir des meilleures conséquences de droit de travail, parce que le crunch dans les plus grosses entreprises, le crunch, pour ceux qui ne savent pas, c'est genre en général travailler 50 heures et plus par semaine assis à ton bureau, puis ça peut avoir des conséquences comme très néfastes pour ta santé, puis aussi comme c'est une industrie qui est comme très en demande pour les travailleurs, ben donc les moons, ben il faut faire attention à l'exploitation, parce que quand t'es jeune puis à rentrer, tu sais, faut faire attention puis s'assurer comme qu'on se garde entre nous, donc c'est ça. Il y a pas juste des jeux vidéo queer qui se font à Montréal, il y a aussi des gros événements queer dans le monde du gaming qui se tiennent ici, mettons là Pas que vous en connaîtriez tant que ça ou que vous seriez impliqué dans l'organisation de quoi que ce soit, mais est-ce qu'on a des exemples? Jess? Jess, il y a un exemple, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Avant de parler de mon propre projet, je veux faire un shout-out à Pixel Montréal, sans qui je ne ferais pas des jeux. Alors, Pixel font beaucoup d'événements qui visent les personnes de genre marginalisées, donc les femmes, les personnes trans, les personnes non-binaires. Et présentement, je pense qu'ils sont en train de faire, je pense, leur 8e incubateur de jeux pour des personnes qui n'ont jamais fait un jeu solo dans leur vie. Et depuis, ils ont tout plein d'événements inclusifs, tout plein de choses présentement en ligne. Et aussi, j'ai l'honneur d'être le leader pour l'équipe de QGCon, alors de Queerness and Games Conference. C'est une conférence qui est née à comme Berkeley, je pense il y a là, 8 ans ou quelque chose en genre, qui a déménagé à Montréal en 2018. Alors, fallait qu'on cancelle, c'est sûr, avec la pandémie, mais présentement, on est en train de faire QGCon online. Alors, c'est une série d'événements qu'on a commencé en octobre, qui va jusqu'en décembre. Si vous aimez The Sims et voulez savoir l'histoire queer de The Sims, Don Hopkins, un des programmeurs, va nous parler de l'inclusivité dans The Sims en décembre. Il y a tout un line-up. Chaque mercredi... Non. Aux deux mercredis et les samedis, on a des événements spéciaux en ligne. Nice, nice. Toi, Nicolas, as-tu des événements qui te viennent en tête? Oui, j'ai des événements qui viennent en tête. J'étais jusqu'à très récemment et encore, mais ça a dû annuler cette année. J'étais un des co-organisateurs de Game Loop Montréal, qui est une anti-conférence basée sur le développement de jeux vidéo. Donc, c'est un petit peu bizarre à expliquer. C'est quoi une anti-conférence? Parce que comme une conférence d'habitude, c'est comme tu appliques pour parler, puis on te donne une tribune, puis comme on tient ton contenu, puis ensuite, les gens font comme « je vais payer peut-être trop cher ou pas assez cher pour venir t'écouter, dire ce que tu as pensé sur telle affaire avant ». Ben, tu sais, c'est comme très officialisé. Puis aussi, c'est comme très... il y a une hiérarchie. C'est souvent comme le même monde, tu sais, le même profil de gens qui parlent des mêmes sujets. Game Loop Montréal, c'est l'inverse, donc c'est aussi l'anticonférence. L'idée, c'est que tu achètes un billet, m'en fous, puis tu penses à ce que tu veux parler la journée de l'événement, tu te pointes, et là, si on est 200, si on est 100, si on est 50, tout le monde dit sur quoi ils sont intéressés de parler, ils sont intéressés de parler ou d'entendre parler cette journée-là, tout le monde le fait. Donc, si on est 200, tout le monde dit ce qu'ils veulent faire comme pour un total de 600 voix. On le fait, c'est important. Mais après ça, ce qu'on a fait, c'est « read the room, actually done ». Tout le monde sait c'est quoi la pièce. Puis après ça, on vote sur des sujets de discussion, puis ensuite, on organise des sujets de discussion dans un horaire de la journée. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est un événement plat, où ce que sans hiérarchie, où tout le monde peut parler de son vécu, son expertise, dans un contexte de table ronde, et on a un événement qui sert les besoins des gens qui se sont présentés. Wow. Ça aurait été notre 6e anniversaire cette année, mais malheureusement, comme ça dépend beaucoup de la présence physique d'autrui, puis ça se transmet pas online, on est obligé d'annuler. Mais tu sais, dès qu'on peut avoir des événements, je veux dire, gameloopmontreal.ca, vous allez le savoir. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Je voulais aussi annoncer qu'on a un super événement qui arrive bientôt qui s'appelle Gamerella, qui est un game jam organisé par Concordia, Gamerella. Yes. Puis justement, c'est un game jam. Donc, ce qu'un game jam, c'est que tu fais comme un petit jeu, un concept pendant 24-48 heures. Puis, c'est vraiment ouvert à les gens qui n'ont jamais fait de jeu vidéo pour la première fois. Puis, justement, c'est un espace sécuritaire pour les personnes queer, les femmes, les personnes de couleur, qui veulent justement comme faire leurs premiers essais dans un contexte. Puis ça vient avec souvent comme des prix, du mentorat. Donc, vous pouvez vous inscrire si vous googlez gamerella.com. Ça se passe justement comme de la mi à fin novembre. Donc, j'espère qu'on va avoir le temps. On souhaite, on prie. Ici à Montréal, ce serait quoi nos compagnies de design et nos jeux queer pref? Vous pouvez faire une exception si vous avez une autre compagnie en tête, là, mais... Commençons par Montréal. Jess, est-ce que tu as un jeu qui vient de Montréal ou une compagnie en particulier qui viendra en tête? Alors, on les a déjà mentionnés, je pense, mais je tiens beaucoup à Kid Fox Games, qui sont en train de faire Boyfriend Dungeon. Oui, aussi leur leadership et comme les personnes qui ont fondé Pixels. Alors, woo, super compagnie. Et aussi Co-op Mode qui emploie beaucoup de queer qui sont en train de faire Volcano High. Goodbye Volcano High. OK. Ouais. Tantôt, vous avez nommé quelque chose. C'est aussi une co-op, ce qui est très rare dans l'industrie de jeux vidéo. C'est une co-op plate. Oui, non, justement, c'est, on essaie d'évoluer à ce niveau-là. C'est une co-op plate, là, mais plate. Et plate. Sinon, Nicolas, ouais. On a des artistes comme individuels comme vraiment génial, comme par exemple Squinky, qui est vraiment super. Je vais aussi souligner le travail de Paloma Dawkins, qui est BDiste, illustratrice, animatrice, game maker, force de la nature. J'ai eu la chance un petit peu de travailler avec eux une couple d'années. Ils ont fait un projet de réalité virtuelle qui s'appelait Museum of Symmetry. Okay. C'est gratuit, puis ça a été fait en coopération avec l'ONF. L'ONF aussi, comme shout-out, donne l'argent à des artistes, aide à avoir du contenu queer un petit peu. Pour la quantité de shout-out que vous faites, là, on devrait se mettre à faire un gala de FIF le matin pour faire voter Mixed Congeniality, parce que vous l'auriez, là. Vous l'auriez certain. Mais oui, Paloma Dawkins, super artiste génial, check her out. Puis on a aussi un studio qui s'appelle Impossible, qui est en train de travailler sur un jeu qui se passe à Montréal, ooh, comme le plateau, l'été, parce que ça s'appelle L'été, et c'est un jeu qui va parler de l'expérience d'être en amour à Montréal l'été. Puis, il y a presque pas une personne straight sur cette équipe-là, donc ça m'étonnerait bien gros que ça sorte hétéro. Puis sinon, on parle de Moon Montréalaise, mais je veux juste faire un shout-out à Christine Love. Christine Love, la sainte Christine Love, qui est en train de faire son nouvel opus qui s'appelle Get in the Car, Loser. Ouh! Oui, j'aime et déjà c'est, ça. C'est Mean Girls rencontre Final Fantasy. OK! Oui, et donc c'est l'été, wow, c'est Spring Break, et là, il y a un démon qui va survenir de sous l'enfer et détruire le monde. Donc, Get in the Car, Loser, on va aller détruire le Machine God. All right, il n'y a pas une personne de straight dans ce casque-là. Yes. Il n'y a pas une personne de straight. Il n'y en a pas une. Moi, avant de finir, je fais un petit tour de table. Avez-vous déjà essayé les jeux de porn sur Internet? Ou ce qu'on peut faire, on peut faire des gens faire l'amour. On peut leur faire l'amour sur Internet, voilà. Pour vrai, jamais été, but tell me about it. Genre, je suis vraiment curieux. Ben, évidemment, ça n'a aucun bon sens, ces jeux-là, c'est des caricatures, là. Je veux dire, les pénis sont trois fois plus gros que le tronc des personnes. Ouais. Puis, genre, plus tu hit the prostate, plus tu fais des points, plus que... Wow. Tu sais, c'est vraiment de la porn gore. Là. On est loin, loin, loin. C'est encore pire que du hentai. Là. C'est vraiment très intense. Mais, donc j'allais dire, c'est divertissant. C'est pas vrai. C'est assez plate. Merci. Alors, petit secret juste pour vous. C'est pas des porn games, mais j'ai un nom de plume pour des jeux érotiques. Mais je vais pas en dire plus que ça. OK, parfait. Mais si vous voulez des jeux NSFW vraiment queer, itch.io, itch.io, c'est la place pour aller chercher toutes plein de choses. Oh my god. Ouais, plateforme d'artistes indépendants et let them compagnies. Bitches know. Wow, non, mais noté. Sérieux, si vous voulez, si vous êtes une moon puis vous êtes comme, je savais pas que il y avait des jeux vidéo comme sur comme des moons, itch.io, puis tu fais juste rentrer le tag gay, queer, lesbienne, tu vas en avoir 3000. OK? Puis, ben parce que c'est une plateforme, tu peux mettre n'importe quoi, qu'est-ce que tu veux, ça veut dire... Comment t'appelles ça, Itch? Souvent, c'est un petit projet. Mettons juste... comme quand ça te gratte, là. Parfait. Mais non, mais je veux dire, on est un média audio, là. Je veux être sûr que les gens puissent le trouver. itch.io. Puis aussi, il y a des jeux sur Steam, qui est la grosse plateforme de jeux PC. Puis tu peux chercher des trucs par tag aussi. Donc, il y a plein de jeux qu'on a parlé aujourd'hui qui sont disponibles pour acheter ou en pré-vente. Puis bien sûr, ben, il y a plein de jeux de Moon sur téléphone, console, mais là, c'est un petit peu difficile à trouver. Souvent, vous connaissiez le nom, là. Comme, tu peux pas juste chercher Gay Games en PlayStation 5, malheureusement. Ouais, non, mais je sais. C'est pas la plateforme pour ça. Fait que nous, on va aller chercher un dernier petit café en allant se faire une longue game de Mario Party. Puis on vous revient quand on a tout fucké nos joysticks, comme dans le bon vieux temps. Yay! C'était tout pour notre émission de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci Nicolas et Jess d'avoir été là. Merci, ça fait plaisir. Woo! Ouais. On a-tu des petites plugs? Jess, as-tu une petite plug? Chris, ils ont rien que fait ça, plugger du monde, là. Ben, ouais, il y a rien mieux qu'on a. Pluguez-moi quelqu'un. QGCon.com pour l'horaire en ligne de notre conférence. Yes. Et si jamais vous voulez voir mes trucs bizarres et queer, Jekka.games est mon site web. Épelle-le. Jeka.games. Excellent. Toi, Nicolas, un petit ploy? Vous pouvez trouver tout mon travail et les liens sur les jours que j'ai travaillé en allant sur mon site web puis mon blog qui est updaté à chaque jour, tout le temps, constamment. J'oublie jamais. Absolument. c'est un mensonge. Mais vous pouvez quand même voir tous les liens sur tous les comptes que je suis sur ça, sorano.ca, sorano.ca, parce que quand tu te fais un pseudonyme à 14 ans, apparemment tu le gardes jusqu'à 33 ans. Absolument. Fuck yeah. Puis, c'est ça, je suis sur Twitter, sur Instagram, où il y a juste une photo de moi en chest. Puis, peut-être que j'ai un OnlyFans secret, qui sait? Who could ever know? On sait pas. Peut-être que c'est le jeu d'aujourd'hui que d'avoue de le découvrir, si j'en ai un. Ah, bon, ben voilà. Alors, les moons peuvent se garocher. En plus, c'est un format audio, fait que vous savez tout pas de quoi on a l'air ou à peu près. Fait que, surprise à venir. Ouh. Je vous le dis, ça va être une belle surprise, les moons. Ils sont cute, les gens qu'on invite. Ils sont tous beautiful. Ben, pour nous, hein, on va se plugger nous-mêmes. Vous pouvez nous retrouver. Plug-nous, Jess. Ben, nous plugger certains, mais non. Meilleur podcast de Montréal. On va déjà trouver, mais plug-nous pareil, câlisse. Certains. Vous nous écoutez déjà, mais vous allez continuer de le faire. Vous pouvez nous retrouver sur tous les médias sociaux qui ont du bon sens en tapant 2 FIF le matin, le chiffre 2. FIF avec un X à la place du I parce qu'on veut pas se faire chadant par la police des mœurs. 2 FIF le matin, en un mot. N'oubliez pas de nous partager. Continuez de nous écrire. J'aime assez ça quand vous nous écrivez. Mettez-nous des étoiles là où on peut mettre des étoiles, des thumbs up là où on peut mettre des thumbs up, donnez-nous de la drogue quand vous nous croisez sur la route. Yes. Et d'ici à la semaine prochaine, on vous souhaite une bonne semaine, les moons. Bye! Bye! Salut!